a-t-elle osé dire? La France est aussi le pays de la pop, et ce depuis bien longtemps. Et au XXIe siècle, Élie et Jacquenot ont des descendants. Puzzle en fait peut-être partie. Puzzle est sans doute toujours en vie, beaucoup de groupes sont morts, carbonisés par le showbiz qui n'attend que ce qui ressemble à ce qui se vend déjà. Le manque d'imagination des majors appauvrit vos cervelles paresseuses, alors Radio Le Zinc essaie de vous ressaisir. Je goûte à l'amour fou et chaque soir je m'enlève. Comme tous les jeudis, à partir de 17h au 104.6, vous écoutez Radio Le Zinc. Et si jamais vous n'avez pas le temps, retrouvez-nous sur notre page Facebook Radio Le Zinc. L'air de rien, on digère l'évolution. On a la place pour quelques grammes de régression. Hey partenaire, t'avales des ratures historiques. Tu pars au combat pour le fric dans ton grand cerveau squelettique. Rouille l'avenir, l'avenir génétique. Alors danse, partenaire, le cœur va lire l'âme dans l'éther. Danse à l'envers, sœur sérum. Bien partenaire, ouais. L'air de rien, on prospère avec la caution de tous les dieux. Des connexions chez Lucifer, mais tout va bien dans le grand feu. Ta liberté est dure comme le fer, l'intolérance éclaire tes yeux à l'ombre des charters. Française est aussi riche d'artistes qui aiment à nous raconter des histoires. Belles histoires ou pas, mais dans cette veine, il y a quelques mois, je suis tombé par hasard sur l'homme ordinaire de Monsieur Roux. Je suis qu'un homme ordinaire, mari fidèle et exemplaire. Je vis en couple depuis 10 ans, je suis le père de 3 enfants, j'ai bonne situation financière, bon métier, un bon salaire, des opportunités d'évolution, des possibilités de promotion. J'aime les week-ends en famille, faire du sport avec les amis, passer le dimanche chez ma mère. Moi je suis qu'un homme ordinaire. Je dis bonjour bonjour au voisin d'à côté. Je demande des nouvelles du petit dernier. C'est la moindre des choses, vous savez. Quand on habite sur le même palier, j'aide les vieux à traverser. J'en accompagne même au supermarché. Je suis poli et bien élevé. Ça devient rare comme qualité. J'ai mes petites faiblesses, mes petites lâchetés. Après tout, personne n'est parfait. Me jettera la première pierre. Moi, je suis qu'un homme ordinaire. Il m'arrive bien parfois, mais tout le monde le fait. Alors pourquoi pas moi? Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés. Mais après tout, les handicapés conduisent très rarement. Et si je me prends un PV, je connais le préfet, il me les fait sauter. Et puis la police ferait mieux de s'occuper de tous les voyous qui traînent dans les quartiers. Parce que je suis pas raciste, mais quand même, les étrangers profitent du système. Y'en a marre d'assister tous ces fainéants qui veulent pas bosser. D'ailleurs j'ai mis mes gosses dans le privé, parce qu'au moins là-bas on les fait trimer. Aujourd'hui faut être le premier, y'a pas de place pour les derniers. C'est pas moi qui irai relever un homme blessé ou allongé. Je me mets le pas de ce qui me regarde pas. À chacun sa croix et c'est mieux comme ça. Quand dans la rue un homme se fait braquer, je baisse les yeux pour pas regarder. Je vois pas pourquoi j'irai l'aider. Près tout être qu'il l'avait cherché. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Tant d'une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, rien qu'un salaud exemplaire. Mais lâcheté et mon indifférence font de moi un bourreau en puissance. Moi je suis qu'un homme ordinaire. On est des milliards comme ça sur terre. Attend une guerre, une dictature, pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, ordinaire, ordinaire. Vous êtes toujours bien calé sur Radio Le Zinc et de Monsieur Roux à Montgomery, il n'y a que quelques instants. C'était bien le moment d'être apathique après tous ces mélanges.

Attention, le KGB guette. Je cherche ma Jenka par-delà les marais. Je cherche ma Jenka, toujours je chercherai. C'est la mort ou le mur. Machenka, ton nom qui se perd, cri d'amour au vent des steppes. Et je chante devant le Dniepr comme un anachronique esthète. Elle venait des confins de l'URSS, tomba dans le la nuit sous la lune rousse. Je cherche ma Jenka par-delà les marais. Je cherche ma Jenka, toujours je chercherai. Ma Jenka, ma Jenka, ma Jenka. Où est mon amour, c'est la mort ou le mur. Bientôt 17h45 et vous écoutez toujours Radio Le Zinc. Ami, reprend le chant qui gonfle les cœurs. Quand je regarde ma programmation de ce soir, je me dis que l'artiste le plus connu, c'est Yvan Marc. J'espère donc que vous êtes toujours auditeurs éveillés et pas découragés. J'espère aussi que peut-être vous trouverez quelques nouvelles choses à écouter. Sinon, tant pis, rendormez-vous. Ce n'est jamais qu'entre toi, les manques, les regrets à venir. C'est le temps qui défile devant mes yeux. Je me regarde et qui je vois, je souris sans m'en souvenir. Coupable de rien ou capable du pire. C'est la clé dans la serrure. C'est ma tête contre les murs. Je m'en veux d'être entré tard. C'était seulement le cafard. J'avais besoin d'ailleurs. J'avais besoin d'ailleurs. Ce n'est jamais qu'entre toi. Quand je pars et tu restes là, c'est l'envie d'autres souvenirs. That's the way. Je me regarde et qui je vois, une ombre incapable à tenir. J'ai préféré filer tout droit dans le mur. C'est la clé dans la serrure. Où les lendemains qui s'endurent. Je m'en veux d'être rentré tard. C'était seulement le cafard. J'avais besoin d'ailleurs. J'avais besoin d'ailleurs. Venez de profiter de Lewis Evans lorsqu'il laisse ses Lanskis pour s'amuser tout seul. Perso, je le préfère en chanteur électrique des Lanskis, mais il faut toujours laisser libre cours à ses envies. Et Lewis sait bien faire, mais il reviendra certainement dans Radio Le Zinc malgré tout. Mais pour le moment, faisons place à la Varda. Sans fin, pour un demi-penny, pour étancher l'ennui noir comme la haine à Derry, les larmes de Molly qui font à l'infini des rivières à nourrir. jusqu'à Liverpool en emportant la foule qui vacille, qui est sous le noir comme le sang de la terre. En connoctant l'enfer, réchauffe les chaumières, engourdis par l'hiver. Voici une heure de Radio Lozinque bientôt écoulée. Il est l'heure de nous quitter en espérant vous retrouver jeudi prochain au 104.6 à 17h sur RVR. Sur ce, bisous à messieurs, bisous à mesdames. Le monde va ma, le monde va ma, le monde va ma. Ma, l'économie, ma, la pandémie, ma, l'homophobie, ma, les sans-abri, ma, les dépressions, ma, la récession, ma, l'écologie, ma, les tsunamis, ma, le monde va mal. Les dictatures, ma, la non-culture, ma, le nucléaire, ma, l'ours polaire, ma, crédit social, ma, zélie faciale, ma, les idées, ma.